Bonjour Mérissa, merci d'avoir accepté de faire cette interview. Alors tout d'abord, j'aimerais te demander si tu pourrais nous parler un peu de tes études. Bonjour, alors je fais des études de langue étrangère appliquée à Mulhouse. J'étudie l'anglais et l'allemand, mais j'ai pris, parce qu'on a deux options, soit économie et interculturalité, soit traduction scientifique et technique, et donc j'ai pris traduction scientifique et technique, et c'est des études pour faire donc, traductrice. Super. Et tu sais déjà ce que tu vas faire après, après ton bachelor ? Alors non, je ne sais pas du tout. Je suis vraiment perdue parce que je n'ai pas tellement envie d'être traductrice en fait. Et je ne sais pas trop ce que je veux faire. Mais il y a un truc qui m'intéresserait, mais après je ne suis pas sûre si je vais faire ça ou autre chose. Ce serait un master de... C'est le master français langue étrangère pour enseigner le français dans d'autres pays. Super, très bien. Et donc, tu prends des cours à l'Université de Mulhouse, ici à Bâle. Est-ce qu'il y a certaines différences entre les deux ? Donc, par exemple, dans les cours, est-ce que les professeurs y demandent plus ou, d'après le niveau de difficulté ou en général, est-ce qu'il y a des différences ? Je dirais que oui, il y a quand même des différences. À Mulhouse, c'est vraiment plus scolaire comme au lycée. Les cours que j'ai moi, alors qu'à Bâle, c'est... Bon, après, moi, je suis en séminaire, donc c'est aussi un peu le genre lycée, mais j'avais aussi des cours magistraux, et ça n'a rien à voir avec mes cours à Mulhouse. En fait, à Mulhouse, c'est vraiment, vraiment un lycée. Ils nous donnent des devoirs, etc., ils vérifient nos absences, alors qu'à Bâle, c'est plus... on fait un petit peu ce qu'on veut. Ok, très bien. Donc ça, j'ai posé la question. Ok, maintenant parlons un petit peu des langues. Tu as dit que tu étudies l'anglais et l'allemand. Donc tu parles l'anglais, l'allemand, le français. Y a-t-il d'autres langues que tu parles ? Ah oui, je parle le bosniaque. Alors le bosniaque, c'est la langue de la Bosnie, mais c'est aussi proche du croate et du serbe. Donc on peut dire que je parle aussi croate-serbe. Donc, 5 langues au total, c'est pas mal du tout. Est-ce qu'il y a une préférence parmi ces langues ? Parmi toutes les langues que je parle, je dirais le bosniaque et le français, vu que c'est mes langues maternelles, forcément. Oui. Voilà. Et y a-t-il d'autres langues que tu aimerais apprendre ? J'aime bien tout ce qui est langue slave. Alors, j'aimerais bien peut-être avoir quelques notions, je ne sais pas, en slovène, par exemple. Mais après, je ne pense pas que je vais l'apprendre parce que je sais que ce n'est pas une langue qui me servira énormément dans ma vie. Mais c'est toujours enrichissant d'apprendre une nouvelle langue. C'est toujours un plus. Oui. Parlons un peu de la langue française. Donc ici en Suisse, il y a la plupart des lycéens, des écoliers, ils n'aiment pas du tout la langue française. Ou ils sont, je ne sais pas si c'est dû à la paresse, mais ils disent que c'est une langue très belle, mais à cause de la grammaire, ça pose des difficultés. Est-ce qu'en France, c'est un peu la même chose ou... Alors oui, j'ai déjà entendu qu'il y a beaucoup d'étudiants en Suisse qui n'aiment pas trop ou alors qui trouvent le français vraiment très difficile. Et c'est vrai, c'est quand même une langue difficile à cause de la grammaire et du vocabulaire, beaucoup d'exceptions en français, etc. Mais en France, c'est exactement pareil pour l'allemand. Sauf qu'en France, on dit de l'allemand que ce n'est pas une belle langue, mais qu'il est difficile aussi. Et puis, il y a un cliché ici que, en général, en tout cas, j'ai l'impression que les Français, ils sont très fiers de leur langue et ils ne veulent pas apprendre d'autres langues ou ils sont paresseux d'apprendre d'autres langues. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'il y a une vérité là-dedans ? Alors, je ne sais pas du tout. Alors, vu que moi, je côtoie le milieu des langues, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire « j'aime que le français, je vais apprendre que cette langue ». J'ai jamais, jamais entendu parler de ce cliché-là, vraiment. Ok, donc ça doit être ma famille, parce que parmi mon côté français, il y a un peu cette fierté-là de la langue française, la grande, la nation. Possible. Et puis, et peut-être ça m'a, je sais pas. Donc c'est pas partout pareil, c'est assez ça reconforte. Parlons maintenant du bilinguisme. Donc, tu es bosniaque et française. Tu préfères parler français ou bosniaque? J'aime les deux, mais j'ai quand même une préférence un peu plus pour le bosniaque, même si le français, je le parle quand même mieux que le bosniaque, vu que je suis née en France et que j'étudie en France, etc. J'aime vraiment les deux, mais j'ai quand même une petite préférence pour le bosniaque. Ayant ces deux langues dans son répertoire, que penses-tu sont les avantages d'avoir grandi avec deux langues ? Je pense que ça a des avantages au niveau de la culture. Donc, j'ai grandi avec deux cultures différentes. Et justement, c'est un plus, je trouve, dans la vie d'avoir une langue en plus. Par exemple, moi, le bosniaque, même si ce n'est pas, par exemple, l'espagnol, une langue vraiment utilisée partout, etc. Parce que ça peut aider, par exemple, justement, si je veux devenir traductrice, ça me fait une langue en plus. Et donc, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et je pense aussi que ça facilite quand on apprend d'autres langues. Oui, aussi, beaucoup. Oui. Vois-tu aussi des inconvénients d'être bilingue? Alors, des inconvénients d'être bilingue, franchement, j'en vois aucun. Vraiment aucun. Je trouve qu'il n'y a vraiment que des avantages à ça. Et dernière question, tu te sens plutôt française ou bosnienne? Je me sens un petit peu les deux. En fait, quand je suis en France, je me sens plus bosniaque, bizarrement. Et quand je suis en Bosnie, je me sens aussi bosniaque, mais aussi française. Parce que justement, les autres, c'est des bosniaques. Et donc, moi, je vois que je ne suis pas tout à fait, que ça se voit que je suis étrangère. Alors, je me sens un peu plus française. Mm-hmm. OK. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Et bonne continuation dans tes études et dans ton avenir. De rien. Merci beaucoup.